détergent, du savon, des pommes et de la laitue, du fromage qui pue, des céréales et des radis, puis des biscuits. Dans ma banque alimentaire, il y a des boîtes claires, des denrées non périmées, des banques d'achat par milliers. Ma banque alimentaire, elle doit être extraordinaire. Un jour la ferai publier, ça me fera de la publicité. Dedans il y a des melons et du saucisson, du céleri, du persil et du salami. Des ingrédients pour une poutine avec des sardines. Aussi il y a du poisson comme le thon. Dans ma banque alimentaire,